comment pousser les bords du monde. I'm just average common too, just like him, same as you. Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde. Un feuilleton de François Bon. Dix, Dylan aux hymnes. Et trois disques en un an. Dans la figure trop facile du génie qu'on a tissé autour de Bob Dylan, il y a la profusion de cette année-là, dans la pleine explosion du pop, et d'avoir aligné trois disques majeurs, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde. Non pas majeurs pour leur vente, même s'ils seront des machines d'argent formidables pour Grossman d'abord, pour Dylan ensuite, mais parce qu'ils incluent des hymnes qui sont dans la chanson comme des statues de bronze, intouchables. Des puits où nous continuons de nous regarder et que lui continue de chanter. Et même, non plus des chansons écrites pour les autres, des chansons qui feront de nouveaux tubes pour les Byrds, Odetta ou Peter Paul and Mary, ou pour Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, ou Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door. Les trois disques qu'il aligne cette année 1966, c'est le monument qu'il dresse à sa propre voix. Like a Rolling Stone, pour commencer, qui lui fait franchir un nouveau cercle, une frontière. Une chanson que tout le monde chante, un disque qui se vend à des millions d'exemplaires. Une marche d'accord qu'on reconnaît comme autrefois tout le monde reconnaissait House of the Rising Sun, le pénitencier. Et cela aussi, c'est une énigme. Quand il écrit le texte à sa machine à écrire, Bob Dylan, cette dégringolade d'une fille dans l'abîme du monde, la dégradation de soi où on reconnaît la mythologie de l'errance, héritée de Kerouac, de Woody Guthrie, mais l'aggravation due à la drogue, à la violence de villes trop grandes. Ce qu'il cherche, c'est le principe d'un texte qui ne finit jamais. Il dit qu'il rédige 50 couplets. Pourtant, c'est une marche laborieuse, presque difficile. En avril, à la fin de la tournée anglaise, il loue un studio. On fait venir John Mayall et son groupe, dont Eric Clapton. Mais les Anglais sonnent beaucoup trop blues. La tentative de Dylan d'associer à ses chansons le son du pop anglais tombe à plat. Au retour, Sarah et Bob Dylan achètent à Woodstock une propriété, Hiloa, où on construit une piscine. On achète aussi les terrains environnants pour une meilleure protection. Ce sera le nid pour les enfants à venir. En juin, il invite ce musicien qu'il connaît depuis Chicago, Mike Bloomfield, à le rejoindre pour 2 jours. Bloomfield, 22 ans, dans la perspective d'enregistrer avec Dylan, s'achète une Telecaster, mais n'a pas assez d'argent pour s'offrir aussi l'étui, paraît-il. Dylan précise ce qu'il veut. Et surtout, tu ne me fais pas ce genre de merde à la Muddy Waters. Pourtant, Muddy Waters, il le révère tous deux. Juste façon de dire que la guitare, chez lui, c'est pas des solos. Il cite en exemple Bruce Langhorn, le guitariste de Mr. Tambourine Man. Pourquoi ne pas l'avoir repris alors? C'est que Langhorn joue de la guitare acoustique amplifiée, alors que Dylan veut un son résolument électrique. Et il fait une autre demande à Bloomfield. « Tu expliqueras tout aux musiciens. Moi, je ne veux pas leur parler. » Et cela aussi, c'est une énigme. Pour les prochains disques aussi, Dylan ne parlera jamais directement aux musiciens qui joueront sa musique. Une posture, elle serait inutile en si petit cercle. Vraie timidité, isolement du réel provoqué déjà par la méthédrine et le LSD. Your next meal. N'empêche que le lundi, à New York, on enregistre 14 prises successives de Like a Rolling Stone. On gardera la 11e. Les musiciens tellement au radar que la chanson, ils disent, est devenue comme automatique. Al Kooper dira, il ne nous avait même pas donné les paroles. On ne savait pas quand ça finirait, alors chaque couplet, on augmentait la pression. Un chant de revanche, dira Dylan. Quelque chose comme un énorme paquet de vomi même, il précise. La mythologie de l'ensemble fera oublier le côté misogyne des paroles. Vengeance, à propos de qui, de quoi? On parle de comment un être se transforme en épave. Il y a encore les saltimbanques et les grandes figures d'ombre, même Napoléon qui passe. Est-ce que c'est la drogue, l'alcool ou simplement la ville qui fait de vous cet être abandonné, mal vêtu, affrontant sa propre destruction? Faut-il vraiment qu'il s'agisse d'une fille de bonne famille? On sera des millions pourtant à retenir le refrain « No direction home », pas de retour à mon. Al Kooper, de l'âge de Dylan et Bloomfield, avait participé aux enregistrements de Bringing It All Back Home. Il devait tenir la seconde guitare, mais quand il entend Bloomfield, il comprend qu'on l'a convoqué pour rien. L'orgue est libre, alors il prend le tabouret, essaye. Dans la salle de playback, Al garade entre Dylan et le producteur, toujours Tom Wilson, qui ne veut pas qu'on entende l'orgue. This cat is not an organ player, il dit. Cooper, c'est pas un type qui joue de l'orgue. La preuve, dit Al Kooper, je jouais les accords toujours avec un peu de retard. Mais Dylan fait monter l'orgue au niveau de la guitare. Tom Wilson ne sera plus le producteur des prochains disques. Mais Dylan a trouvé cette combinaison qu'il cherche. Entre la voix, sa propre guitare et la nouveauté de cet orgue lancinant sous le flux de la guitare électrique. Le disque sort le 16 juin, à quelques semaines du festival annuel de Newport, l'événement repère du folk, sous le patronage d'Alan Lomax et Pete Seeger. On y a mêlé les cultures blanches et noires depuis longtemps, mais en demandant aux grands bluesmen de s'y produire en acoustique. Le festival ouvre avec le groupe de Mike Bloomfield et Paul Butterfield, que produit aussi Albert Grossman, du blues électrique. Alan Lomax fait une introduction condescendante. Le blues, c'est pas pour les musiciens blancs, il dit. C'est l'axiome du folk. Pour bien jouer, on ne peut jouer que ce qu'on a vécu. Hors scène, Grossman et Lomax commencent par des insultes et en viennent aux mains. C'est ridicule, mais c'est comme ça. C'est dans ce contexte pas très décontracté que Dylan, pour les soutenir, décide de monter sur scène le lendemain soir avec Mike Bloomfield et Al Kooper, épaulé par un bassiste et un batteur recrutés sur place, et de jouer électrique. On a juste le soir pour répéter. On prépare trois morceaux, comme on peut. Le bassiste copiera les accords sur un papier scotché à sa Fender. De toute façon, Dylan n'a jamais aimé répéter. Pas plus en public qu'en studio. Chanter avec un groupe électrique, ça ne s'improvise pas. Il faut régler les micros, placer les amplis. On n'a pas encore de retour pour écouter les autres. À Newport, on monte sur scène et on joue sans réglage. D'abord, disent Lomax et les autres, ce gamin qu'on avait vu les années précédentes avec son jean et sa chemise à carreaux, voilà qu'il arrivait avec des fringues en cachemire, des bottes à talons et ses lunettes de soleil de vedette de cinéma. Ensuite, ce qu'il jouait, on n'entendait rien. Lomax demande à Pete Seeger de couper la sono. Les techniciens refusent. La foule siffle. On va jusqu'au bout du troisième morceau. On quitte sous les huées. Sous l'estrade, il y a Johnny Cash. Il tend à Dylan sa Gibson acoustique, un de ses modèles jumbo, bien trop grand pour Dylan, et le pousse. « Vas-y, remonte !» Dylan remonte sur scène. Les autres disent qu'il a les larmes aux yeux. La guitare de Johnny Cash en bandoulière. Il demande si quelqu'un dans le public a un harmonica en mi. On lui en lance une dizaine. Ça n'arrange pas l'ambiance. Il chante Mr. Tambourine Man. Ovation ou consolation? La rupture avec Lomax, Pete Seeger et la totalité du monde folk sera définitive. Al Kooper donne une autre version. Les gens avaient payé leur billet très cher, juste pour voir Dylan. Alors qu'il fasse trois chansons et fini, ça les a déchaînés. On n'avait pas joué si mal que ça. N'empêche que le schéma va être celui de toute l'année à venir. Dylan ira tout droit. Il jouera obstinément ce qu'il croit être sa musique, avec désormais la combinaison voix, guitare électrique et section rythmique. On l'acclamera dans la partie acoustique. On se moquera de lui, par principe, dès que le groupe électrique montera sur scène. Parce qu'à Newport, ça s'est fait comme ça. Donc voilà, on recommence. Oh God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, on down Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Quelques jours après Newport, on se retrouve en studio avec un nouveau producteur, Bob Johnston, lui aussi employé à demeure par les disques Columbia, mais qui sera pendant 5 ans le producteur de Dylan. Les musiciens disent que Johnston ne s'occupe de rien. En fait, ce qui plaît à Dylan, c'est que Johnston, effectivement, ne se mêle pas de la musique. Tout ce qu'il dit, lui, c'est qu'avec Dylan, il savait trouver le son très vite, métallique, rapide. Il a l'œil sur les bandes. Il n'y aura jamais 3 minutes de musique sans que tourne un magnétophone. Et c'est un type dur avec ceux qui l'emploient, qui s'est organisé. Il fait démonter les pendules des studios. La seule horloge, il dit, c'est Dylan. Et il est constamment sur le dos des musiciens. Attendre 3 heures peut-être, mais être prêt à jouer dès que le demande Dylan. Peut-être aussi que Dylan, à son habitude, minimise le rôle de son producteur. On enregistre Highway 61 en 4 jours. En se retrouvant l'après-midi avec les musiciens, ajoutant une séance du soir en comité restreint, juste Dylan, Bloomfield, Al Cooper, pour préparer. Le 4 août, l'album est terminé. Les morceaux qu'on fait tous l'après-midi, les morceaux qu'on fait la nuit en petit comité, avec cette folie douce du surréalisme appliqué au blues, comme dans Tombstone Blues. Maman bosse à l'usine, mais elle a pas de chaussures. Papa est dans le couloir, il cherche où est le fusible. Et moi, je suis dans la rue, ma gueule de pierre tombale. Et la mythologie des routes encore. Cette voiture qu'on lance au travers des États-Unis comme chargée d'une cargaison de poètes un peu ivres. Chanson écrite d'une Buick 6. Et sûr qu'il me faudrait une maman pelleteuse pour charrier plus loin les morts. Et sûr qu'il me faudrait une benne à ordures pour me vider un peu la tête. Ma femme cimetière, elle m'offre tout et même le reste. Et quand je serai plus, c'est elle qui viendra tirer la couverture sur mon lit de mort. Problème suivant pour Dylan, partir en tournée avec des accompagnateurs. Bloomfield préfère son groupe de blues et refuse. John Sebastian constitue son Lovin' Spoonful. On était tous à la recherche de la recette magique, dit-il en substance. On n'a pas voulu partir avec Dylan, on a été aveugle sur ce coup-là. Maintenant je ne comprends pas. C'est du côté des bureaux d'Albert Grossman qu'on reparle de ce groupe avec lequel l'an dernier a enregistré John Hammond, le fils. Des types de Toronto, The Hawks, qui jouent dans un bar 6 jours sur 7, qui jouent les morceaux des autres, des reprises des Beatles ou des Rolling Stones, Dylan avait aimé leur guitariste et leur section rythmique, et eux, inconnus partout ailleurs qu'à Toronto, ne demandent qu'à tourner. En plus, ils ne sont pas chers. On leur prend le guitariste Robbie Robertson, ainsi que la section rythmique. Dylan garde Al Cooper. Mais comme il s'agit d'un job à temps plein, The Hawks demanderont à être recrutés en tant que groupe complet. L'aventure de ceux qui s'appelleront The Band commence à ce moment-là. Personne ne comprend comment Dylan peut ainsi s'embarquer avec des inconnus, des types de la province, qui font de la musique de bar pour 50 personnes le samedi soir. Mais si c'était ça le génie de Dylan, lui en avant et ce groupe derrière, discret, un son monobloc, mais comme à distance, n'interférant pas avec lui. Ils feront des progrès, The Hawks, mais plus tard. Et on tourne dans les salles de théâtre, où tout résonne, où tout ne s'entend qu'approximativement. La voix de Dylan, mangée par les amplis électriques. Robertson dira plus tard, quand même, quand il nous disait « Il bascule dans l'électricité », c'était comme dire « Tiens, ils se sont achetés une télévision ?» Elle était où, la trahison ? Aux États-Unis, le fait de la journée d'hier, c'est une nouvelle manifestation contre la guerre au Vietnam. C'est à Washington que s'est déroulée cette manifestation. Reportage de Michel Enfroy. La trahison, c'est par exemple le 25 septembre 1965, juste avant le début de la tournée. John Baez et tous les grands du protest song sont au Carnegie Hall pour un concert contre les premiers bombardements américains au Vietnam. Tous, sauf l'auteur de « Masters of War ». Les premiers concerts sont fin septembre, à Austin, dans le Texas, puis sur la côte ouest. Albert Grossman fournit à ses artistes deux avions, dont un uniquement réservé à Peter, Paul and Mary. Deux vieux Lou Kid traînards à hélice. Mais Dylan et son groupe seront ainsi convoyés, avions, villes, concerts. « On a eu la frousse plus d'une fois dans cet avion », diront-ils en ordre séparé. Dylan précisant « les trous d'air quand on dormait ». Quand la foule les siffle, lui, Dylan, les rassure. On fait ce qu'on a à faire. Si ça leur plaît pas, tant pis. Moi, je ne suis pas un artiste qui se construit selon ce que le public demande, il dit. Et même si ça devient maintenant la permanente routine. Pour Dylan, deux concerts en un seul. Le premier avec sa guitare acoustique, la Gibson de 1930. Le second avec la Fender Telecaster et le groupe. Dylan se préserve des îles plus secrètes. Mariage avec Sarah en novembre. Excursion dans le désert californien avec Allen Ginsberg en combi Volkswagen. Naissance du premier de leurs quatre enfants, Jess Byron, le 6 janvier 1966. Maintenant, ceux qui s'intéressent à lui ne sont plus les gratteurs de guitare du folk. À New York, par exemple, c'est Andy Warhol. Warhol demande à Dylan de s'asseoir 10 minutes dans un fauteuil, immobile, pendant qu'il le filme. Une idée. Quand Dylan s'en va, Warhol lui offre une grande toile en remerciement. Elvis Presley, grandeur nature, en surimpression. Warhol appelle ça ses double Elvis, sur toile de soie. Dylan, d'abord, ça le fait rire. Il accroche Elvis à l'antenne radio de sa Ford pour le rapporter à Woodstock et le montre à Grossman. Qu'est-ce que c'est, ce type ? Pourquoi il m'a donné ce truc ? Grossman le lui échange contre un canapé. C'est plus pratique. À la mort d'Albert Grossman, sa veuve revendra le Elvis 720 000 dollars. Quant à en savoir plus, c'est Bob Dylan en conférence de presse. Question : qu'est-ce que c'est pour vous la chose la plus importante au monde ? Réponse : je fais collection de clés à molette en ce moment. Ouais. C'est ça en ce moment qui m'intéresse le plus. Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Gay. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté, par François Bon.